franceinter.com. On ne privatise pas, on externalise. Il en va donc de l'armée américaine comme de ses call centers, centres d'appel en français dans le texte, qui sont délocalisés à l'étranger. En Irak, en Afghanistan, les militaires privatisés sont aujourd'hui presque aussi nombreux que les soldats qui portent l'uniforme de leur pays. Des mercenaires, recrutés par dizaines de milliers, pour le plus grand profit des entrepreneurs qui les emploient et, disait M. X la semaine passée, se paie grassement sur la bête, c'est-à-dire le contribuable. Ce phénomène en croissance constante touche pour l'instant en priorité le monde anglo-saxon. Mais on le verra dans la suite de cet entretien consacré au nouveau mercenariat, certaines entreprises françaises spécialisées dans la sécurité se verraient bien participer au partage de ce juteux gâteau. Et les autorités françaises, même si le mercenariat et réprimé par la loi, n'y serait pas forcément hostile. D'autre part, ces grandes compagnies privées lorgnent vers un marché qui pourrait être tout aussi profitable, celui du maintien de la paix, c'est-à-dire la création de casques bleus privés qui, aux yeux des promoteurs très intéressés de cette proposition, remplacerait avantageusement les contingents actuels, souvent issus de pays pauvres et donc insuffisamment équipés et entraînés. Et il faut déjà observer qu'une organisation qui regroupe un certain nombre de ces SMP, sociétés militaires privées, a entamé une intense action de lobbying en ce sens. Son nom, l'Association internationale des opérations de paix, défense de sourire. Mais un autre secteur est aussi guigné par le privé, celui du renseignement. Et aux États-Unis déjà, on observe une multiplication sans précédent des agences de renseignement et donc des informations recueillies. Ce qui, on va le voir, ne contribue pas toujours à apporter aux dirigeants états-uniens une vision claire des enjeux actuels et des menaces qu'ils doivent affronter. Enfin, cet appel de plus en plus important au mercenariat inquiète à plus d'un titre. D'abord, en raison des bavures plus ou moins meurtrières provoquées par ces sociétés militaires privées. Et ensuite, parce que les gains phénoménaux initiés par cette privatisation de la guerre n'incitent que très peu ces entrepreneurs à travailler à la résolution des conflits. Changeront rien. Le temps passé. Une observation d'abord. La privatisation des tâches dévolues à l'armée, même si elle a été amorcée alors que Bill Clinton était installé à la Maison-Blanche, a connu un extraordinaire développement quand George Bush Jr. lui a succédé. Oui, Bush et son équipe de néo-conservateurs. Hein. Dont certains, comme le vice-président Dick Cheney, étaient personnellement intéressés par cette évolution en raison de leurs liens avec les entreprises du secteur. Et certains hommes politiques, enfin surtout dans le camp démocrate bien sûr, ont pris conscience du danger. En 2008, au cours de sa campagne électorale pour les primaires, Hillary Clinton, par exemple, a dénoncé cette privatisation progressive de l'armée. Et elle a plaidé pour qu'il y soit mis fin. Oui, mais aujourd'hui, elle est secrétaire d'État et donc l'un des personnages les plus puissants des États-Unis. Alors, a-t-elle agi en ce sens? Non, pas vraiment. Elle a même accepté, lors de ses déplacements en Afghanistan, d'être protégée par des membres de ces sociétés militaires privées qu'elle accablait quelques mois plus tôt. Oui, les SMP. Hein. Oui, mais à sa décharge, il faut dire que tout retour en arrière semble pour l'instant impossible. Au moins tant que Washington est impliqué dans la guerre contre les talibans. Alors pour quelle raison ? L'armée américaine est maintenant étroitement dépendante de ces entreprises de mercenariat. C'est devenu si réel que certains observateurs ont parlé d'addiction, comme pour les consommateurs de drogue. Alors les Américains ne pourraient plus se passer de ces SMP. Non, parce qu'en matière de transport, d'approvisionnement et même de sécurisation de ses propres installations, l'armée se trouve désormais entièrement dans les mains de ses privés. Alors impossible par conséquent de se séparer de ces SMP. Ne serait-ce, et c'est l'un des pièges de la privatisation, que parce que l'existence même de ces supplétifs permet de faire l'économie de l'envoi de troupes supplémentaires. Mais je reviendrai sur les prétendus avantages de cette dévolution des tâches militaires à des privés. Au cours de notre premier entretien, je vous ai parlé du massacre de la place Nissour à Bagdad en 2007. Ah, une bavure criminelle. Hein. 17 civils irakiens assassinés de façon purement gratuite. Mais une bavure qui a contribué à mettre en lumière les activités de l'une des plus grandes armées privées du monde, Blackwater. Aussi, pour commencer ce deuxième volet, je vous propose de revenir sur l'histoire de cette SMP. Ouais, SMP, hein, rappelons-le encore une fois, c'est une société militaire privée. C'est ça. Le créateur de Blackwater est un certain Eric Prince, 41 ans aujourd'hui. C'est l'héritier archimillionnaire d'un industriel spécialisé dans la sous-traitance automobile. La famille appartient au cercle fondamentaliste chrétien. Et presque naturellement, elle est très proche des milieux républicains les plus conservateurs. Et ça a marqué Prince ? Incontestablement. Même si maintenant, Prince s'est converti au catholicisme. Il s'est toujours considéré comme une sorte de croisé. Il est donc prêt à porter le glaive là, contre le terrorisme et l'islam. C'est certain. En 1992, le jeune homme s'engage dans les forces spéciales de la marine américaine. Une passion pour Eric. C'est un fan amini, hein, comme on disait autrefois chez nous. Hein. Il est envoyé en Haïti, au Moyen-Orient, en Bosnie. Mais en 1996, il apprend la mort de son père et doit renoncer à sa carrière militaire. Pourquoi il lui succède ? Mais la sous-traitance automobile ne l'intéresse pas vraiment. Il ne tarde pas à vendre l'entreprise familiale pour plus $1 milliard quand même. Ça permet de voir venir, ça. Mais Prince n'a pas l'intention de vivre de ses rentes. Et il commence par acheter un vaste terrain en Caroline du Nord. Un endroit que les autochtones appellent le grand marécage lugubre. Ça, c'est pas très engageant. Mais certes. Hein. En tout cas, l'ancien soldat d'élite s'inspire de la couleur de ses eaux pour baptiser sa première société. Oui, Blackwater. L'eau noire. Ce qui est certain, c'est que ce territoire a l'avantage d'être très isolé. Et c'est l'idéal pour ce que Prince compte y faire. Mais quoi exactement? Un terrain d'entraînement. Mais pour qui? Pour les forces de police, par exemple, ou pour des milices privées. Et il ne faut pas vous étonner, aux États-Unis où l'on cultive une passion démesurée pour les armes à feu, il existe de nombreux groupuscules qui se livrent à des séances de tir ou d'entraînement physique, pour le cas où les rouges prendraient le pouvoir. Ça, c'est aujourd'hui un peu caricatural. Non, ces mouvements conspirationnistes sont surtout très hostiles au gouvernement fédéral, accusé de vouloir tout diriger et de se mêler de tout. Un gouvernement liberticide pour tous ces croisés de l'extrême droite contre lequel il faut pouvoir résister, y compris par les armes. Bon, voilà, je m'éloigne un peu. Prince dispose donc de ce vaste terrain où l'on simule, par exemple, des combats de rue ou de guerres contre-révolutionnaires. Cependant, ça reste un peu folklorique, en tout cas jusqu'au 11 septembre 2001. Hey, qu'est-ce qui va changer alors? À cette époque, Prince et son camp d'entraînement ont déjà acquis une petite réputation parmi les responsables des forces de l'ordre ou même certains officiers des forces spéciales. Aussi, dans le contexte de l'après, en septembre, où la Maison-Blanche ne cache pas son désir d'en découdre avec les talibans, puis avec Saddam Hussein, c'est presque naturellement qu'Eric Prince est approché. Ouais, parce qu'on va avoir besoin de gens comme lui. Qui sont à la fois des organisateurs, des meneurs d'hommes et des formateurs de gros bras. Et pour lui, ça va aller très vite, d'autant qu'il a déjà des contacts. Et d'abord avec la Navy, où il a servi pendant 3 ans. Après l'attentat d'Al-Qaïda contre l'USS Cole au large de Yémen, en 2000, la marine américaine lui a demandé d'entraîner des hommes à repousser une attaque surprise. Alors, vous dites qu'il est approché après le 11 septembre. Par la CIA, oui. À moins qu'il n'ait pris lui-même l'initiative. Bon, au fond, peu importe. L'essentiel est qu'il a été très tôt en contact avec la centrale de l'Anglais. Et qu'à la suite de cette rencontre, il ait monté Blackwater, son entreprise de mercenariat. Il se pourrait donc que ce soit la CIA qui lui ait demandé de créer Blackwater. Alors, c'est très possible. Et tenez, j'irai même plus loin. Bien qu'il s'en soit toujours défendu, je suis à peu près certain que Prince est affilié à la CIA. Un agent ? Ou un contractuel. Mais aujourd'hui, où il existe des liens quasi incestueux entre les organismes officiels et les SMP, c'est presque la même chose. Ouais. Et quand Prince signe-t-il ses premiers contrats importants ? Dès 2002. L'armée américaine est alors engagée en Afghanistan afin de démanteler Al-Qaïda et chasser les talibans. Ouais. L'opération de l'OTAN appelée Enduring Freedom, je crois. Hein. Et l'administration confie à Blackwater la tâche de protéger le QG de la CIA à Kaboul. Un beau contrat hein, de 5 millions de dollars. Ah ben, ce qui prouve en effet que Prince entretient des liens très étroits avec la centrale américaine. Ah, mais ça n'est qu'un début, parce que Prince va également s'intéresser à l'Irak, dès que les armées de la coalition auront envahi le pays. Et là encore, il remporte un très beau contrat. La protection du premier proconsul américain là-bas, Paul Bremer. Ouais. Et c'est l'homme qui a signé là, le fameux ordre 17 accordant une impunité totale aux mercenaires des SMP américains. Hein. Oui, et c'est le directeur exécutif de la CIA qui a permis à Prince d'emporter ce dernier et prestigieux contrat. En tout cas, et malgré la malheureuse affaire de Fallujah, où 4 de ses employés sont massacrés par la foule en 2004, l'avenir sourit à Prince. Blackwater se voit confier d'autres missions de protection et le ravitaillement des postes avancés de l'armée américaine. Ouais, l'entreprise croît alors en nombre. Hein. Évidemment, elle engage de plus en plus de mercenaires et s'équipe en matériel très coûteux, des gros 4x4 blindés, hélicoptères, avions. L'entreprise qui multipliera ses terrains d'entraînement fera même l'acquisition de drones. En même temps, bien sûr, les contractuels de Blackwater sont lourdement armés. Et c'est aussi le temps des bavures. Oui, car il n'y a pas que le massacre de la place Nisou. Il vous faut savoir que la SMP sera impliquée dans plus de 195 accrochages. Avec des terroristes ? Ou de civils considérés comme tels. Oui. Hein. Les gens de Blackwater ont la réputation d'avoir la gâchette facile et de tirer au moindre mouvement jugé suspect. Et dans 80% de ces incidents, ce sont les mercenaires qui ont ouvert le feu les premiers. D'ailleurs, les Rambos ne s'occupent pas seulement de logistique. Hein. Dans au moins une occasion à Najaf, ils ont participé aux côtés des soldats américains au violent combat contre les partisans de l'imam chiite Moqtada al-Sadr. On verra même, ce qui est inouï, des hommes de Blackwater donner des ordres aux soldats. Ouais. Ça, c'est effectivement assez extraordinaire. Alors, l'entreprise de Prince semble donc se situer bien au-dessus des lois. Hein. Oui, mais ça ne pouvait pas durer trop longtemps, car il était évident que la présence de ces paramilitaires surarmés braquait de plus en plus la population irakienne. Leur mépris, leur arrogance. Et même leur agressivité. Un de vos confrères américains a ainsi pu écrire que lors de leur déplacement, ces types se servaient de leurs armes comme d'un klaxon. Et les conséquences ont été désastreuses et contre-productives. Car elles ont puissamment contribué à nourrir l'hostilité des Irakiens à l'encontre des forces d'occupation. Des forces qui étaient entrées en Irak hein, pour en principe apporter la liberté. Et la population, c'est évident, ne fait aucune différence entre les mercenaires et les soldats réguliers. Et ce sera bientôt le cas aussi en Afghanistan. Toutefois, il faudra quand même attendre 2009 pour que le gouvernement de Bagdad refuse de prolonger la licence de Blackwater et que la société soit placée sur la liste noire de l'administration américaine. Et tenez, on a même appris l'été dernier que Prince avait déménagé avec entreprise, femmes et enfants à Abu Dhabi. Rendez-vous avec X. Eric Prince, qui est aussi un homme de communication, a réagi à sa manière dès que Blackwater a vu son image ternir. Et selon Jeremy Scale, auteur d'un ouvrage consacré à cette armée privée, il a commencé par changer de logo. L'image de son logo se voulait plus apaisante. Hier, une patte d'ours dans la ligne de mire d'un tireur d'élite. Aujourd'hui, une griffe d'ours stylisée en deux demi-sphères, une sorte de contour de map-monde évoquant vaguement le logo des Nations Unies. Son site internet remanié fanfaronnait sur la vision d'une société guidée par l'intégrité, l'innovation et le désir d'un monde plus sûr. Leurs contractuels y étaient présentés comme des professionnels de la stabilisation mondiale. Prince accorda une série d'entretiens dont beaucoup furent menés par des journalistes non spécialisés, flagorneurs et dépourvus de tout sens critique. Il leur présenta sa propre version de la compagnie, celle d'une extension patriotique de l'armée. Le 1er décembre 2007, on put assister à l'un des épisodes les plus étranges de cette frénétique campagne de communication. Des parachutistes de Blackwater, avec drapeaux et parachutes aux couleurs de l'entreprise, atterrir non pas à Bagdad ou à Kaboul, mais sur le stade Qualcomm de San Diego pendant la mi-temps du match de football américain opposant l'État de San Diego à la Brigham Young University. Cette mise à l'écart provisoire de Blackwater s'est aussi naturellement traduite par quelques pertes de contrats, essentiellement pour la partie irakienne de ses activités. Et c'est une autre SMP qui s'est substituée à Blackwater, ce qui a permis de découvrir que pour assumer ses missions de protection, la firme de Prince touchait $1 milliard par an. Une paille, quoi. Mais Blackwater a-t-elle été affaiblie pour autant ? Non, parce que sous un nouveau nom, XE, Prince l'avait déjà solidement implanté en Afghanistan. Mais je vais longuement m'attarder sur le mercenariat présent dans ce pays. En attendant, pour rester en Irak, je pense qu'il y a certainement eu des arrangements avec la SMP qui a pris la suite de Blackwater. Car, curieusement, le personnage chargé de recruter les mercenaires est resté le même, un ancien membre de la garde de Pinochet. Un hasard. Alors justement, parlons du recrutement. Là, j'imagine que Prince n'a pas seulement employé les Américains bon teint. Vous avez raison. Et c'est encore un aspect très délicat des activités d'Eric Prince. Pour quelle raison? Parce que pour Prince, comme disait Coluche, il y en a qui sont beaucoup plus égaux que d'autres. En général, un autochtone ou un sud-américain est payé presque 10 fois moins qu'un contractuel états-unien et blanc. Et combien peut-être payer ce dernier-là, le blanc? Oh, ça peut aller jusqu'à $1,000 par jour, mais la moyenne est de $500. C'est très confortable, hein? Et il faut rapprocher ces chiffres des salaires versés aux vrais soldats américains qui sont engagés sur ces théâtres d'opérations extérieures. Un sergent, prime comprise, peut espérer gagner entre 150 et $200 par jour. Ah, c'est presque 3 fois moins qu'un mercenaire. Et cette différence explique que les rapports entre les soldats privés et les autres soient souvent très houleux. Mais d'un autre côté, ces salaires mirobolants là, doivent pousser les militaires à quitter l'armée et rejoindre ces SMP. Forcément. Cependant, si je puis dire, il y a quand même un bémol. Quoi? Les pertes humaines. En 2007, par exemple, il mourait en moyenne 9 contractuels par semaine. Et c'était proportionnellement beaucoup plus que les pertes comptabilisées pour l'ensemble des forces de la coalition. Et comment vous expliquez ça? C'est très simple. Les missions confiées aux paramilitaires les obligent à se déplacer plus souvent et plus loin de leur base. Ils sont donc plus vulnérables. Oui, mais c'est là un des aspects les plus contestables de la privatisation. Ces lourdes pertes humaines sont généralement passées sous silence. Et surtout, elles n'apparaissent pas dans le bilan des morts américains en Irak. Donc elles ne génèrent pas l'émotion qu'on ressent généralement aux États-Unis quand un GI tombe. Voilà. Et pardon pour la brutalité de l'expression, mais ces mercenaires ne sont ni plus ni moins considérés que comme de la chair à canon. Ouais. Et pour la Maison-Blanche, de façon assez cynique, c'était un autre avantage de la privatisation. Et une autre bonne raison de continuer à utiliser ces sociétés de mercenariat, dont les morts demeuraient si discrets. Alors, vous vouliez parler plus précisément de l'Afghanistan. Tout à fait. Mais auparavant, je dois vous dire que les activités de Blackwater, mais c'est aussi le cas d'autres SMP, ne sont pas limitées à l'Irak et à l'Afghanistan. On a vu des éléments de l'entreprise agir dans le Caucase. Et pourquoi faire alors ? Sécuriser l'oléoduc BTC qui achemine le pétrole de la Caspienne vers la Turquie. Mais, et c'est encore plus étonnant, des hommes armés appartenant à Blackwater sont aussi intervenus en 2005 dans les rues de la Nouvelle-Orléans lors de la catastrophe engendrée par l'ouragan Katrina. Et quoi, ils remplissaient une mission, là ? Difficile à dire. Il semble plutôt que Prince, toujours avide de publicité, ait pris sur lui d'envoyer ses mercenaires pour mettre de l'ordre à la Nouvelle-Orléans. Et combattre les pillards. Oui, ça ressemble bien au personnage. Et puis, dans son esprit, ça ne pouvait que servir à redorer son image. Aujourd'hui, Blackwater et ses sous-traitants rassemblent une armée de 23 000 hommes qui intervient dans une dizaine de pays et engrange chaque année pour $1,5 milliard de contrats publics. Des contrats passés habituellement sans appel d'offres. Oui, dans la plus grande obscurité. Et c'est pourquoi Prince, pour ne pas devoir en passer par les appels d'offres, a créé nombre de filiales. Et pour fragmenter les contrats, enfin les sommes. Oui, échapper au seuil au-delà duquel l'administration américaine est obligée de faire concourir plusieurs firmes. L'Afghanistan, donc. Une observation préliminaire. En dépit de son changement de logo et de nom, Blackwater n'a pas renoncé à ses mauvaises habitudes. En mai 2009, 4 salariés de l'une de ses filiales ont aveuglément tiré sur une voiture. Bilan, 1 mort et 4 blessés. Alors ça signifie que les mercenaires de Blackwater ou des autres continuent à afficher la même arrogance. Et comme en Irak, ils sont presque unanimement détestés. Une détestation qui rejaillit obligatoirement sur les soldats de l'OTAN qui sont trop souvent considérés comme des envahisseurs étrangers. Ouais. Mais ces gens-là ne sont pas là-bas pour se faire aimer. Certains, ils ne font rien pour. Ils sont en Afghanistan, eux et leurs patrons, pour gagner de l'argent, un point c'est tout. Et dans cette mesure, alors, me disiez-vous, ce ne sont pas les plus désireux d'œuvrer pour la paix. C'est parfaitement normal, puisqu'ils vivent de la guerre. Alors, concrètement, que font-ils en Afghanistan ? Blackwater, ou plutôt XE, son nouveau nom, est chargé de la formation de la police, tandis qu'une autre SMP occupe la même fonction auprès de l'armée nationale afghane. Et c'est une troisième société qui a reçu la mission d'élaborer la doctrine militaire de cette armée. Un joli contrat de $200 millions. C'est quand même assez curieux que cette doctrine de l'armée afghane relève d'une entreprise privée. Mais je vous donnerai d'autres sujets d'étonnement. À propos de toutes ces missions de formation, certains esprits chagrins ont remarqué que les contrats n'étant assortis d'aucune contrainte de temps, les SMP ne se pressaient nullement d'accomplir leurs tâches. On a même évoqué à ce propos un affreux soupçon. Mais quoi ? Si ces sociétés privées achevaient avec succès leur mission, elles deviendraient par là même inutiles. Ouais. Et adieu la pompe à fric. Oui, vous avez tout compris. Les SMP ne sont pas là-bas pour gagner la guerre, mais pour gagner de l'argent. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. À l'appui de cette dernière assertion de M. X, j'ai trouvé un article du Monde diplomatique paru en février 2010 sous la signature de Marie-Dominique Charlier, ancienne conseillère politique du général commandant la Force internationale d'assistance à la sécurité en Afghanistan. Extrait. La composante entraînement constitue un volet très rentable. Lorsqu'elles recrutent, forment et mettent en place 800 professeurs pour le programme de lutte contre l'illettrisme au sein de l'armée afghane, la recherche d'un retour sur investissement, le plus lucratif possible, incite les SMP à allonger leur délai d'instruction. Apparemment, l'accroissement des capacités de formation interne de l'armée afghane ne compte pas au nombre des urgences. Même situation en matière de logistique, autre point fort du monopole des sociétés militaires privées. Aucune limite de temps n'est imposée pour la formation des techniciens afghans. Là encore, les intérêts financiers des compagnies qui emploie plusieurs milliers de contractuels, divergent des intérêts militaires de la force internationale. Pas plus qu'elle n'escompte de victoires trop rapides, les SMP ne souhaitent des changements trop soudains du dispositif opérationnel. Il leur faut pouvoir agir sur les événements en cours et infléchir, si besoin est, les orientations du niveau opératif et stratégique. Intérêt financier oblige, les SMP parient donc sur la prolongation du conflit. Mais il y a encore plus grave. En juin de cette année, un comité de la Chambre des représentants, dirigé par le démocrate américain John Turney, a publié un rapport accablant sur ces sociétés privées présentes en Afghanistan. Il y dénonce l'extorsion et la corruption qui existent dans la chaîne logistique de l'armée en Afghanistan. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, je vous explique. L'administration états-unienne verse chaque année plus de 2 milliards de dollars à un groupe de 8 sociétés chargées d'assurer la protection des convois de transport ou de ravitaillement. Pour remplir cet objectif, ces SMP font appel à des mercenaires afghans qui leur sont fournis par les chefs de guerre. Ouais, des Afghans. Bien entendu. Ouais. Première constatation, ces seigneurs de la guerre peuvent ainsi financer à bon compte leurs armées privées. Deuxième observation. Si les SMP refusent de payer ces hommes ou si elles essaient d'obtenir des réductions, leurs convois sont systématiquement attaqués. Mais c'est du racket. Exactement. En somme, il faut payer un droit de passage. Et ça signifie que ces seigneurs de la guerre sont en relation avec les talibans et qu'une partie de cet argent destiné à sécuriser les convois tombe tout droit dans la poche de ces derniers qui, obligatoirement, demandent leur part. Ouais. Le Pentagone finance donc indirectement les talibans. Ah, c'est malheureusement la vérité. Ouais. Et personne ne proteste. Le président afghan, Karzai, a annoncé sa volonté de mettre fin à ces abus. D'autant qu'il a lui aussi conscience que les excès des contractuels des SMP suscitent l'hostilité de la population contre ces étrangers qui se croient tout permis. Il a donc décidé de retirer au plus vite leur licence aux SMP anglo-saxonnes qui exercent dans son pays. Ouais, mais récemment, là, il vient de mettre un petit bémol. Enfin bon, mais le peut-il effectivement là, retirer cette licence? Ça, c'est autre chose. Parce qu'il doit obtenir préalablement l'accord du commandement allié. Ça, c'est pas évident. Ah non. Parce que ça signifierait que les Américains devraient restructurer toute l'architecture de leur présence militaire en Afghanistan. Cependant, même si Karzai est un président sous tutelle, Washington doit le ménager et lui laisser croire qu'il dispose d'une certaine marge de manœuvre. Alors comment ça va finir là? Et les SMP vont-elles être obligées de plier bagages? Non, parce que les dés sont pipés. En réalité, derrière le mouvement de menton de Karzai, il y a une manœuvre assez subtile. Ce que veut le président, c'est, pardonnez-moi le néologisme, afghaniser toutes les SMP et en finir avec le monopole anglo-saxon dans le secteur. Et c'est en bonne voie, car il existe déjà des sociétés afghanes, des dizaines, qui opèrent le plus souvent sans licence et sont parfois de simples clones des milices privées au service des seigneurs de la guerre. Ouais, des hommes à ces seigneurs de la guerre qui font toujours la pluie et le beau temps en Afghanistan. Hein. Et avec lesquels le pouvoir doit négocier en permanence. Ouais. D'ailleurs, le plus simple pour s'assurer de leur fidélité, c'est de leur confier des responsabilités officielles. la direction locale de la police, par exemple. Et c'est souvent la seule façon de les empêcher, eux et leurs hommes, de prendre fait et cause pour les talibans. Donc si je comprends bien, là, on achète la loyauté de ces seigneurs de la guerre, qui sont aussi fréquemment des trafiquants de drogue, hein, avec l'argent des Américains. Mais là n'est peut-être pas le plus important. Alors quoi alors? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce secteur militaire privé est déjà en grande partie entre les mains de la famille et des proches du président Karzaï. Donc, pour reprendre votre expression, l'afghanisation des SMP profiterait d'abord au clan Karzaï. C'est tout à fait ça. Mm-hmm. Et l'énorme manne de ce marché lui reviendrait. Car les Américains continueront à payer. Ils y sont obligés s'ils veulent que leurs troupes, par exemple, soient toujours avitaillées. Mais dans ce cas, alors, qu'adviendra-t-il des SMP anglo-saxonnes? Ne vous inquiétez pas pour elles. Elles ont déjà trouvé la solution. Elles concluront des accords de partenariat avec les SMP afghanisés. Ou bien elles entreront dans leur capitale et le tour sera joué. Ce sera d'autant plus facile à faire qu'elles emploient déjà beaucoup de mercenaires locaux. En outre, ces SMP continueront à sécuriser les ambassades ou d'autres lieux officiels. Karzaï lui-même dispose de gardes de corps qui lui sont fournis par une filiale de XE, ex-Blackwater. Ouais. Une protection qui lui a peut-être été imposée, non? Ça, c'est très probable. Mais je voudrais évoquer un autre aspect de la privatisation militaire que j'avais d'ailleurs esquissé lors de notre premier entretien. C'est l'emprise de plus en plus grande du secteur privé dans le domaine du renseignement. Deux chiffres pour commencer. En 2000, le budget consacré à l'embauche de contractuels au sein des services de renseignement américains était de 17 milliards de dollars. C'était déjà énorme. En effet. Mais 8 ans plus tard, il est monté à 42 milliards. Quasi triplement. Ouais. D'autres chiffres encore. Aujourd'hui, les contractuels employés par des SMP représentent 50% des agents clandestins de la CIA et 35% des agents tout aussi clandestins de la DIA. Oui, ça, c'est l'agence de renseignement du Pentagone. Oui. Enfin, ils sont 100% à piloter les programmes de satellites espions au sein de la NRO, l'acronyme du Bureau national de reconnaissance. Cette emprise du privé est devenue telle que le rapport quotidien de la CIA, remis chaque matin au président Obama, sans doute le document le plus secret des États-Unis, serait même en partie rédigé par des agents privés. Alors si le président est amené à prendre des décisions en fonction des analyses qui figurent dans ce rapport, c'est préoccupant. Je vous l'accorde. Mais il faut aussi juger cette évolution à l'aune de l'extraordinaire profusion d'agences de renseignement aux États-Unis. J'ai lu dans un récent article du Washington Post qu'on avait comptabilisé la création de plus de 260 nouveaux organismes depuis les attentats du 11 septembre 2001. Au nom, bien sûr, de la lutte contre le terrorisme. Et le mouvement continue. Et ça se traduit alors aussi par un prodigieux foisonnement d'informations. Et malgré la mise en place d'un organisme de coordination, il est impossible d'analyser correctement et surtout efficacement cette masse d'informations. Ouais, ça, c'est donc une faille dans la sécurité des États-Unis. On peut le penser. C'est ce qu'a déclaré assez récemment Robert Gates, le secrétaire d'État à la Défense, quand il a affirmé que les centres de commandement et leurs organismes de soutien avaient gonflé dans des proportions ingérables. Ouais, ingérables. Mais en dehors des positions idéologiques, des néo-conservateurs qui voulaient privatiser à outrance, est-ce qu'il peut y avoir aussi des motifs purement financiers, à faire des économies par exemple? Oui, c'est vrai, ça a été l'argument d'abord invoqué par Bush Junior et ses conseillers. Malheureusement, c'est faux. Il a été démontré que les fonctionnaires fédéraux coûtaient 25% moins cher que le personnel venu du privé. C'est encore Robert Gates qui l'a avoué. Il a même dit que l'externalisation était un puits sans fond. Ah. Alors, Bush a quitté le pouvoir et Obama l'a remplacé. Quelque chose a changé? Timidement. Le gouvernement démocrate a annoncé son intention de réduire de 7% en 2 ans le budget attribué à ses sous-traitants. Ouais, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la privatisation. Oui, c'est ce que je pense. En vérité, je crois que le nouveau pouvoir est pieds et mains liés devant les tout-puissants lobbies du complexe militaro-industriel et qu'il sera très difficile de mettre fin à l'externalisation des tâches qui, devrait incomber à l'armée et aux services officiels de renseignement. Ouais, qui sont pourtant traditionnellement les attributions régaliennes d'un État. Hein. Mais comme je vous le disais précédemment, l'armée états-unienne est complètement dépendante des SMP. Ouais, accro. Si vous voulez. Ouais. Et comment pourrait-il en être autrement ? Alors qu'on sait que le moindre produit qui entre dans un camp américain en Irak ou en Afghanistan a été fourni et transporté par des sociétés privées. Même les bombardements effectués par des drones sur les bases de talibans dans les zones tribales du Pakistan sont parfois commandés par des contractuels privés. Et vous avez dit que ces SMP étaient essentiellement anglo-saxonnes. Hein. Pour l'instant, oui. Mais je vous ai aussi dit qu'en France, par exemple, certains voudraient bien prendre place dans le secteur. Et ça ne déplairait pas à l'Élysée, si j'en crois mes informateurs. Avec l'accord du président Sarkozy, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale a même été chargé d'une mission d'étude. Ah, il y a donc anguille sous roche. Mais que se passe-t-il alors en Angleterre, d'où sont issues quelques-unes de ces SMP là ? Eh bien, au moins dans le domaine du renseignement, les Britanniques se sont toujours refusé à externaliser leurs services. Et le MI5 et le MI6 restent rigoureusement étanches. Ils ont échappé à la contagion. Absolument. Ils ont raison, car ça peut aller encore plus loin que tout ce que je vous ai raconté. Et de quoi voulez-vous parler encore, là ? Je vous ai dit qu'en principe, les SMP d'aujourd'hui n'employaient plus de forces combattantes. Ben, y a des exceptions, mais des exceptions très secrètes. La CIA entretiendrait une armée secrète de 3000 hommes recrutés par une filiale de XE. Ces paramilitaires aguerris et très entraînés ont pour mission de pourchasser les chefs d'Al-Qaïda et de procéder ponctuellement à des assassinats. Je croyais pourtant qu'il était interdit à la CIA depuis les scandales des années 70 là, de perpétrer des assassinats. Eh ben, c'est pourquoi la centrale américaine a fait appel à des privés. Ah oui. Si la responsabilité de la CIA ne serait pas directement engagée. Ben, c'est bien ce que je voulais dire, mais n'est-ce pas l'avantage ultime de ces SMP ? Se charger des sales besognes quand elles ne peuvent pas être effectuées par des services officiels. Pour terminer, je vous rappelle les ouvrages de référence suivants. Irak, terre mercenaire, de Georges-Henri Brisset des Vallons. Blackwater, l'ascension de l'armée privée la plus puissante du monde, de Jeremy Scoil. Et en anglais, Corporate Warriors, de Peter Singer, paru en 2003 chez Cornell University Press. Enfin, si vous pouvez y avoir accès, la lettre d'information payante Intelligence Online donne de précieux renseignements sur toutes ces questions. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission et peut-être, avec un peu de chance, la podcaster. Rebecca Donnant a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Biou qui l'a réalisée et Stéphane Combe, et puis à Monsieur Joub qui l'a mis en musique. Et tout de suite après le flash, c'est Au Dieu mon amour de Denis Chessou.